téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Et bonjour Blockbuster. Alors en fait, Frédéric, tu es devenu influenceur maintenant. Un influenceur notoire comme n'importe qui sur YouTube ou sur Twitch ou je sais pas quoi. Car à cause de toi, je me suis retapé les trois John Wick et je vais aller voir le quatrième bientôt au cinéma. Voilà. Donc, excuse-moi, t'es plus présentateur d'émissions radio, tu es influenceur. Voilà. Hein. Et juste un petit détail, vous parliez de la place des femmes dans l'émission de John Wick. Et en fait, je viens de la rattaquer le 3. La seule place des femmes qu'on voit en dehors de Wenzhou qui sont assassins un peu badass, c'est au secrétariat. Voilà, c'est le secrétariat, les communications, les choses comme ça, t'appuies sur ton petit truc d'actylographie, on va faire des enchères pour savoir qui aura la meilleure mise à prix pour chez quelqu'un, et celles qui remplissent, bon, elles sont un peu badass quand même aussi, toutes tatouées jusqu'au cou, jusqu'au bras, jusqu'aux jambes, voilà, mais en gros, dans John Wick, la place des femmes, c'est ou bien morte, hein, la femme de John, ou bien une ou deux, histoire de faire, voilà, bon, ça existe, et puis sinon, au secrétariat, quand même, c'est un peu limite. Allez, je vous aime, je vais aller voir le 4, on sait jamais, peut-être que ça arrangera les choses. Bisous. Bonjour Frédéric, je t'appelle pour te suggérer de nous faire un petit blockbuster sur la série coréenne Alchemy of Soul, Chimie des âmes. Voilà, si tu ne l'as pas encore vu, c'est une série à regarder, à voir et à revoir. Je l'ai vu deux fois et je crois que je vais m'y replonger une troisième fois. Vraiment à découvrir, à la fois fantastique et puis pleine d'humour coréen et pleine d'action. Voilà. Oui, bonjour. J'ai regardé la nuit manga que vous aviez faite en 2021 et je voulais savoir si vous aviez pour projet d'en refaire une sur One Piece ou les mangas en général. Merci beaucoup, au revoir. To be or not to be, not to be. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un homme très bien bâti, le genre de beau gosse très sportif qui vit 8 mois de l'année sans t-shirt, littéralement scandalisé parce qu'une jeune femme avait osé déclarer qu'elle n'aimait pas les hommes musclés. Oh là là là là, que n'avait-elle pas dit là ? Aussitôt, une avalanche de commentaires de pauvres hommes, dont je ne soupçonnais pas la souffrance au quotidien, qui t'expliquent que c'est une sorte de pression sociale exercée par les femmes qui les oblige à aller à la salle. Mon Dieu, la charge mentale des hommes se mesurerait donc en kilos sur un développé couché. Ça m'a fait sourire de lire que certains se sont convaincus qu'un homme ou une femme qui va à la salle quasi quotidiennement, qui chaque jour suit un programme d'entraînement drastique fait de dips, de squats, de fentes, burpees et autres calculs caloriques de ses protéines journalières, qui encaisse sans broncher les douleurs chroniques d'un muscle choqué, la sueur et les fringues qui puent, le fait pour quelqu'un d'autre que lui-même. Parce que la musculation ne leur en déplaise, c'est surtout un dialogue avec soi-même. On entre peut-être dans une salle de sport pour les mauvaises raisons, mais on y reste parce qu'on a trouvé autre chose. Face à un corps qui depuis l'enfance nous tyrannise avec ses allergies, ses cicatrices, ses règles ou ses cancers, la musculation, c'est une renégociation du contrat avec sa propre douleur et une manière plus matérielle que la méditation, la philosophie ou la religion de donner un semblant de forme au chaos de sa vie. Une bonne salle de sport n'a pas besoin de miroir, car quand on est sportif, on a les yeux intégralement tournés vers soi. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Moi, c'est Léon. Un mec de province sans histoire. J'étais un peu le nerd que personne ne calcule. Jusqu'au jour où j'ai dû tout quitter. Ma famille et ma copine. Pour Paname. Enfin, la banlieue de Paname. Au début, j'étais un peu perdu. C'était le bad. Mais très vite, j'ai fait plein de rencontres. Félix, mon coloc, persuadé d'être une star du hip-hop, des nouveaux potes bien barrés et des filles plutôt charmantes. Mais j'allais aussi devoir gérer galères et mauvaises surprises. Sexe, drugs et RER. Vous avez déjà dû entendre chez certains nostalgiques le sempiternel discours selon lequel les jeunes ne lisent plus car ils ont tout le temps le nez sur leur portable. Eh bien, savez-vous que lire sur un téléphone, sur un ordinateur ou une tablette, ça a aussi le vent en poupe chez des millions de lecteurs. Preuve en est, l'incroyable engouement pour les webtoons, ces bandes dessinées numériques qui ne se contentent pas de singer leur contrepartie papier, mais ont aussi développé depuis plusieurs années leur grammaire propre, leur succès, mais aussi toute une nouvelle génération d'artistes à qui le monde d'avant ne donnait pas forcément la parole. Et pour vous faire découvrir l'incroyable vivacité des webtoons, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Rutil. Bonjour. Bonjour. Alors, je prends mon souffle pour dire tout ce que vous faites, hein, parce que c'est conséquent. Vous êtes scénariste pour la bande dessinée, le cinéma et le webtoon, notamment Colossal, énorme succès, avec Diane, qu'on va présenter juste après. Et vous êtes aussi devenue éditrice webtoon chez Dargo, pour la plateforme webtoon Ono. Pour Ono, vous êtes en train de développer une nouvelle série webtoon intitulée Vertu de Saint-Cyr, qui parle de bizutage d'élèves féminines à l'école militaire de Saint-Cyr, mais avec une ambiance à la Lady Oscar, la Rose de Versailles, pour ceux qui connaissent. Et vous êtes également tellement fan d'Alexandre Dumas, que vous mettez des coups de pression à des productions françaises à plusieurs millions, puisque vous organisez aussi une exposition Mousquetaire, l'avant-garde, du 22 avril au 13 mai, au studio Blouet, dans le 13e arrondissement de Paris. Oui. Et ben voilà, c'était la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Maintenant, on passe à Diane Truc. Bonjour. Hello. Vous êtes autrice de bande dessinée, dessinatrice, vous avez fait Colossal avec Rutil, mais vous êtes aussi animatrice 2D, fanzineuse et catcheuse à vos heures perdues. Qui sont plus nombreuses, ouais. Oui, donc un peu moins catcheuse, mais quand même de temps en temps. Exactement. C'est-à-dire qu'un week-end, on n'a rien. Allez, on va retourner faire un German suplex sur quelqu'un. Un week-end, on n'a rien, ça existe, ça, encore. Et avec nous également, Natacha Rado, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et dessinatrice de webtoon, Sex, Drug et RER, dont on vient d'entendre la bande-annonce. C'est votre première œuvre et c'est l'une des premières créations françaises publiées sur Webtoon France. La série vient de s'achever et les 138 chapitres sont disponibles entièrement gratuitement sur la plateforme depuis la semaine dernière. Bon, par contre, vous ne faites pas de catch. Non, c'est ça. Bon. Je fais d'autres choses, mais pas de catch. D'accord. Les présentations sont faites, et si on faisait une belle émission ? Pitié de moi ! D'accord, écoutez, calmez-vous. Je vais appeler la police tout de suite, d'accord ? Restez, monsieur Patterson. Merde, secours, cette connerie. Maman. Tenez bon, d'accord? Pitié, ouvrez-moi la porte. J'ai tellement peur. Vous pouvez pas rester auprès de moi. Pitié. Je vous en prie, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, par pitié. Ouvrez la porte. D'accord. Je peux aller voir. Quoi ? Vos bras. Montrez-moi d'abord vos bras, d'accord ? Qu'est-ce que vous dites ? Vos bras, j'ai dit. Montrez-les-moi. Montrez-les. Je t'ai dit de m'ouvrir la porte ! Ouvre-la ! Sweet Home, un extrait particulièrement humoristique de la série Netflix adaptée du webtoon où les gens se transforment en démons slash monstres. Sweet Home, donc, de la série du même nom. Alors, évidemment, première question, parce qu'on parle de webtoon, mais Rutil, qu'est-ce que le webtoon ? Le webtoon est donc une BD qui se lit sur téléphone portable. Elle se lit par défilement, c'est-à-dire qu'on scrolle. Et on peut parler de bande défilée aussi, parfois. Et c'est aussi un nouveau médium, même si ça emploie les mêmes codes que la bande dessinée, c'est de l'art séquentiel. C'est né en Corée, au début des années 2000. Et du coup, c'était des grandes plateformes de tech qui s'étaient lancées dedans. Ce qui est très marrant, c'est que ça a commencé... Au début, c'était des moteurs de recherche booléens, les différentes compagnies qui sont lancées dans le webtoon. Ça se présentait, je sais pas si vous vous souvenez, attention, instant vieille, de la page d'accueil de Yahoo, qui était le moteur de recherche au début des années 2000. Ça se présentait comme une une de journal. Il y avait une barre de recherche, différentes petites icônes, vous aviez actualité, astrologie, j'en sais rien, et une petite icône webtoon, comme dans certains journaux, il y avait la petite BD de Kevin. Et les comic strips. Exactement, de Garfield, etc., qui parfois faisaient acheter certains journaux au passage. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui privilégiait un moteur de recherche booléen par rapport à un autre, ben, c'était cette fameuse icône webtoon, justement. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ben, on n'a qu'à plutôt s'intéresser, ils sont plutôt reconvertis là-dedans. Et c'est devenu une appli, quand les smartphones ont débarqué en Corée, bah, ça a commencé à vraiment générer une industrie entière. Et donc maintenant le webtoon c'est une institution depuis plusieurs années en Corée, et ça a tout juste démarré en France. C'est que depuis à peu près 2018-2019 en fait qu'ils se sont lancés, et ça, ils ont totalement profité du boost du confinement puisque tout le monde était sur son téléphone et effectivement sur internet pour péter les chiffres, et du coup ça a... Ah, c'est vraiment le confinement qui a mis un coup de boost à l'industrie du webtoon en France. Bah, je pense qu'ils s'y attendaient pas vraiment, ça a été ils en ont profité effectivement, mais c'est pas Et donc, qui a été à l'origine de cette arrivée en France ? Parce que, comme on l'a dit, c'est typiquement coréen. Ça profitait aussi de cette vague coréenne qui reliait les dramas aux groupes de K-pop, BTS, Blackpink, etc. Ce qui est marrant, c'est que ça s'est fait à l'inverse de l'implantation de la culture manga en France. C'est-à-dire qu'en France, on a d'abord eu les dessins animés et les mangas, et après, on a eu tout le reste, l'Ikebana, Japan Expo, etc. Là, on a eu d'abord la Hallyu, donc la K-pop exactement... comme ce que tu as dit, et maintenant les BD. Donc l'appareil culturel était déjà en place avant que les BD viennent avec. En France, il y a eu un site qui s'appelait Dailytoon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit dans une plus grande réflexion et une plus grande recherche générale en France depuis le début des années 2000, on a ce nouveau médium qui est Internet, le numérique. Comment on fait de la BD dessus, comment on en vend, à quel public, etc., etc. Il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu les blogs BD, mais ça, c'était quand même restreint. Il y avait un effet un peu Star System. C'était beaucoup de la tranche de vie, beaucoup de l'autobio. Donc ça restait limité, et ça utilisait Internet principalement comme moyen de diffusion, mais pas comme médium à part entière. Moi, ce que j'aime avec le webtoon, c'est que le format dans lequel c'est diffusé correspond à un truc un lecteur qu'on a tous dans nos poches, qui est le téléphone portable, et ça emploie du coup vraiment le numérique comme médium à part entière. Il y a des techniques liées au webtoon qui ne seront pas reproduisibles ni sur papier, ni notamment cette histoire de scroll. Il y a un rapport au temps qui est totalement différent. Diane et Natacha, qu'est-ce qui différencie la publication traditionnelle en bande dessinée d'un webtoon ? Est-ce que ça a une influence sur la manière dont vous abordez le travail sur une planche ? Alors Natacha. Absolument, oui, absolument. Moi, ce qui m'a énormément influencé, c'est surtout le rythme hebdomadaire qui me forçait à avoir une forme de conclusion à la fin de chaque chapitre, et surtout un cliffhanger pour donner envie. Ça reprenait un petit peu la publication des romans au 19e siècle dans les journaux, quoi. Enfin, c'est sur le même principe. Je me suis pas mal inspirée de ce système-là. Voilà, une histoire qui suit, une forme de conclusion dans chaque chapitre. Bah d'ailleurs, on rejoint un petit peu l'amour de Rutil pour Alexandre Dumas. Exactement. Et la manière qu'il avait de concevoir les épisodes dans le siècle, avec effectivement toujours la fin d'un chapitre qui tient en haleine et qui donne envie au lecteur de lire le prochain. Et là-dessus, c'est très efficace. Diane ? Effectivement, c'est la temporalité et l'habitude, les deux grosses différences. C'est-à-dire qu'en bande dessinée classique, en fait, on va avoir une somme d'argent donnée et un temps assez long, 6 mois, 1 an, voire plus, plusieurs années pour produire une bande dessinée. Là, on est quasiment en live, en fait. On est à un chapitre par semaine, exactement comme les mangaka et leur système de prépublication. Sauf que là, la prépublication se fait pas sur papier comme le Shonen Jump, mais effectivement en ligne. Ce qui aussi apporte la question du côté international et du numérique qui rend la chose extrêmement plus visible, extrêmement plus transmissible, partageable. Et interactive aussi, puisqu'on a des réactions aussi immédiatement après le chapitre, ce que même les mangaka n'ont pas en fait. Oui, parce que généralement, il y a un tanto, il y a un éditeur, les mangakas, même si... Et d'ailleurs, le webtoon a eu beaucoup plus de mal à s'imposer au Japon, parce qu'il y avait déjà cette industrie du manga qui était plus traditionnelle, plus installée. Mais ils vont s'y mettre aussi, maintenant Jump que, est, oui. est en ligne. Je pense qu'ils vont, ils vont abandonner la version papier pour passer totalement au numérique, donc là, on y est, effectivement. Et puis, il y avait aussi cette envie de protéger les mangakas via le tanto ou tout ça. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de sondages de popularité auprès des lecteurs, là où le webtoon a cet avantage, c'est qu'il y a, il y a un rapport direct. En même temps, je dis avantage, mais vous pouvez en parler en connaissance de cause. Est-ce que c'est véritablement un avantage d'avoir aussi vite le retour de vos lecteurs parce qu'il y a évidemment des lecteurs bienveillants qui vont avoir des critiques constructives, mais on sait aussi comment ça se passe sur Internet avec les rageux. Alors ça peut faire peur parce qu'effectivement, ça peut faire peur parce qu'effectivement, souvent sur 1000 commentaires positifs, s'il y en a un négatif, on peut très vite le prendre pour soi. On peut très vite ne plus penser qu'à ça dans la journée. Mais vraiment, la grosse majorité des gens, écrasante majorité, est vraiment extrêmement bienveillante. Et oui, en fait, d'avoir ce retour direct, surtout pour les créateurs, en fait, c'est une chance absolue. C'est extrêmement galvanisant. C'est exceptionnel, vraiment. Mais y a quand même un danger, effectivement. Il faut avoir les reins solides. C'est-à-dire que même le côté très positif, il faut y faire gaffe parce que ça peut bercer un petit peu et se dire bon, bah maintenant, c'est un peu la boîte de Skinner avec les rats qui veulent avoir leur shot de dopamine. C'est si vous finissez par ne vouloir que des retours positifs aussi de votre public, ça peut vous pousser aussi à faire du plan-plan, en fait, à faire que du démago, du populaire, ce qui peut être bien. Mais je pense que des fois, oui, c'est-à-dire qu'on se perd un petit peu dans le désir des fans Ma philosophie, c'est qu'il faut quand même engager les gens à manger un peu leur brocoli. Alors, il y a des gens qui adorent les brocolis. Hein. Oui, moi j'aime bien aussi. Mais voilà, il faut manger ses légumes, il faut mettre un petit peu de béchamel avec éventuellement, mais je pense que c'est bon aussi de pousser un peu son public, c'est bon aussi de le maltraiter un petit peu, parce que ben, voilà, ça rend les récompenses. Et sortir le lecteur de sa zone de confort. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler d'une plus grande diversité des voix et des artistes au sein du webtoon que dans le milieu de la bande dessinée plus traditionnelle? On sait qu'il y a très peu de temps, le Festival d'Angoulême a eu les honneurs d'une mauvaise presse via Bastien Vivès, voilà, qui était un petit peu la figure de proue d'un système très établi avec ceux qui ont leur carte et qui ont été invités pendant longtemps. Mais j'ai l'impression que dans le webtoon, il y a vraiment une diversité des voix qui est un peu plus grande. Est-ce que c'est une erreur ou c'est vrai? Je sais pas. C'est totalement vrai. Natacha? Comme le webtoon est arrivé très très récemment, c'est un petit peu le Far West en fait. Toutes les personnes dont le travail n'avait pas d'écho auprès des éditeurs traditionnels ont pu le proposer, s'en emparer, grappiller leur petit bout de territoire. Alors d'un point de vue très personnel, quand j'ai essayé de me faire éditer au début, on m'a proposé des projets qui ne m'intéressaient pas trop et des projets de petite nana, comme on me l'a dit en entretien éditorial. Alors que j'avais envie de faire de la fiction, pas forcément de parler de moi comme une blogueuse ou une influenceuse. Et le webtoon m'a laissé carte blanche pour faire ce que je voulais. Et ça, c'était génial. Et quand vous dites des projets de petite nana, c'était des éditeurs déjà bien installés qui oui. vous ont vu arriver et qui ont dit « Écoute, ça serait bien que tu nous fasses une petite BD sur toi en tant que jeune fille. » Voilà, c'est ça, exactement. D'accord, ok. Diane ? Nous c'est exactement pareil en fait. Rutil et moi, on a déjà essayé en fait de faire des dossiers, de projets de BD à droite à gauche avant Colossal. À partir de 2016, on a commencé à faire ça et ça n'a jamais marché. On n'a jamais réussi à vendre ce qu'on voulait faire. Et là, pour la première fois en fait, on a non seulement pu proposer notre projet et le publier, mais en plus on a eu aucun suivi éditorial, mais du coup carte blanche absolue. Et ce qui me fait très rire à chaque fois, c'est que pour Utile en particulier, c'est clairement son plus gros succès, alors que ça fait 15 ans qu'elle est dans la BD, et c'est la première fois qu'on la laisse réellement faire ce qu'elle veut et ce qu'elle a à dire. Et pour moi, c'est la preuve qu'en fait, il y a un moment, faut aussi nous laisser raconter des choses. Et clairement, je pense que Colossal, c'est une comédie romantique, mais clairement, on aborde des sujets qui, surtout à la fin de la série, qui sont assez sombres, qui sont parfois très durs. Et clairement, je pense pas qu'un éditeur classique nous aurait laissé parler ce genre de choses. Donc Rutil, il y a vraiment, avec le webtoon, une possibilité de réappropriation de sa voix et même d'une certaine intégrité artistique. En tout cas, on dégage les intermédiaires et certains intermédiaires qui peuvent être vraiment des obstacles. Moi, comme l'a dit Diane, avant de commencer Colossal, j'étais sortie de plusieurs années où j'envoyais des projets dans lesquels je croyais absolument, que je trouvais hyper solides à la fois au niveau du dessin, etc. Et le retour des éditeurs, ça m'a vraiment marqué. Il y en avait plusieurs comme ça qui m'ont dit « c'est super, le scénar est super, le dessin est super, mais ça me parle pas à moi personnellement ». Et j'étais là, genre, mais je m'en fous de toi, je suis désolée, mais j'ai pas besoin de te parler déjà de vin. Je comprends aussi derrière le côté, ils veulent défendre, enfin, ils veulent pouvoir défendre le truc et donc d'être investi personnellement, mais bon, il faut aussi pouvoir aller chercher d'autres publics, et c'est vrai qu'ils prennent de moins en moins de risques. Ça demande des efforts, ça demande du travail, et moi, ce que j'ai constaté, c'est un encroûtement un peu des éditeurs qui retombent toujours un peu sur leurs appuis, qui sortent le Fils d'Isno Good 75, Aqua Blue 251. Ça marche. On le met juste dans la machine et puis ça s'imprime tout seul, quoi. Alors que pour tout le reste, il faut se battre. Donc là, on s'est battu toute seule et puis on a réussi, tant mieux. Oui, et c'est marrant parce que c'est exactement le même schéma que ce qui peut se passer dans l'humour et dans le milieu des humoristes, etc., avec des attachés de presse, directeurs de salle, producteurs qui uniformisent une forme d'humour, alors qu'en fait il est beaucoup plus varié. Et en fait vous êtes confrontés au même problème. Donc souvent, chers auditeurs, quand vous critiquez un film, le théâtre ou une bande dessinée, posez-vous les questions, c'est peut-être les intermédiaires qui posent problème entre vous et les artistes qui veulent dire autre chose. Voilà. et sinon, les exemples de gros succès dans le webtoon, à la fois coréen et français, quels sont-ils ? Il y a le gros succès en France, en tout cas, c'est Solo Leveling. C'est aussi un gros succès en Corée. Alors, ça raconte quoi? C'est nul. Pardon, j'ai besoin de le dire. C'est un mec, il est pas fort au début, mais après, il monte une tour et il est de plus en plus fort. D'accord, c'est vraiment. Il y a des monstres, puis il les tape, et puis il retape les monstres, puis il y a d'autres monstres. Et alors, il augmente, il pex, ce qu'on appelle donc gagner en expérience, en point d'expérience. Comme un jeu vidéo, il farme, il les tape, et après, il gagne. C'est le shonen basique. Non, moi, je trouve que c'est pire qu'un shonen basique, en fait, parce que justement, il y a quand même beaucoup de rapports interpersonnels dans le shonen, dans les bons shonen. Il y a quand même une philosophie générale. Sur Leveling, la philosophie générale, c'est le grind set. C'est faut pexer, après tu tapes les monstres. Il ira bonhomme. Et enfin voilà, ça m'intéresse absolument pas. C'est joli, c'est pour le coup. C'est ça qui est fascinant en Corée, c'est que c'est une telle industrie qu'il y a plein de studios en fait qui en font. C'est limite à mi-chemin entre la BD et le cinéma d'animation, parce que il y a une plus grosse chaîne de production, il y a plus d'assistants, il y a limite plus d'assistants justement que sur un manga, parce que la couleur mine de rien, ça demande un énorme travail. C'est pas du tout comme le noir et blanc en manga qui est censé justement permettre d'aller vite et d'imprimer à pas cher. Là, on est sur du numérique, donc il faut de la couleur parce que ça attire l'œil et que, enfin, ça c'est quasiment un passage obligé. Il y a très peu de projets en noir et blanc et qui marchent sur internet. Et on n'a pas à imprimer, donc ça coûte rien en fait d'avoir des trucs en couleur, et on peut même mettre pousser à mort le fluo si on veut, quoi. Oui. Et les effets, etc. Donc Solo Leveling, typiquement, c'est très très caractéristique de ce webtoon à la coréenne qui est très clinquant, qui a 12 milliards d'effets, de glow, de, enfin voilà, donc c'est très shiny. Donc la qualité du dessin est balèze, mais ça pourrit aussi pas mal d'auteurs, puisque fameusement le dessinateur de Solo Leveling est mort récemment, un âge ridicule en plus, même pas 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il s'est épuisé. Il avait des conditions apparemment préexistantes, mais je me doute bien quand même que quand on est malade et qu'on doit bourriner chaque semaine, on n'a peut-être pas le temps d'aller chez le médecin tout le temps. Bon. Donc il y a Solo Leveling, je sais qu'il y a Olympus aussi. L'Or Olympus. Donc Diane, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire? Je l'ai pas lu, mais c'est l'histoire de la mythologie grecque, tout simplement, et la relation entre Hadès et Perséphone. Il y a énormément de gens qui sont très attachés à ce titre, parce que j'ai l'impression que les relations entre les personnages, beaucoup de jeux, d'histoires d'amour, de trahison, de toxicité, etc. Syndrome de Stockholm. J'ai l'impression que le côté toxicité ressort souvent et a fait dire à pas mal de gens que c'était peut-être pas un très bon titre. Mais en tout cas, ce qu'on peut lui dire dessus, c'est que la patte graphique est extrêmement, extrêmement cool et a vraiment plu à beaucoup de gens et change en fait, parce que le petit souci du webtoon et le fait que ce soit en studio en fait, ça fait que le style s'uniformise énormément. Il est aussi extrêmement reconnaissable et il y a quelques personnes en fait qui vont directement vers un style coréen, mais ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont envie de nouveautés aussi. Et un style avec une identité graphique comme ça, ça plaît à beaucoup de gens. Et c'est ce qui m'a marqué en découvrant vos webtoons personnels, Sex, Drugs and RER et Colossal, c'est que j'ai eu le sentiment d'avoir une autre manière, non seulement de mettre en scène, mais de dessiner, mais même aussi de sujet. Donc est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que vous êtes une exception qui confirme la règle, ou est-ce qu'on peut vraiment parler d'une différence d'approche artistique dans le webtoon français vis-à-vis du webtoon coréen? Oui, Natacha? Alors... C'était un choix des éditeurs, en fait, quand ils sont arrivés en France, de voir ce qui se faisait un petit peu dans la BD française. On a vraiment cette pluralité de styles qui est pas mal portée par tout ce qui est école de bande dessinée, d'art, etc. Et ils ont pioché parmi différents auteurs, jeunes auteurs. Moi, je publiais sur Instagram à l'époque. Et ils ont fait des tests, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Il y en a certains qui ont bien marché, comme les nôtres, et d'autres qui étaient peut-être un petit peu trop différents, justement, de ce qui était proposé par Webtoon, parce que nous, quand même, on a une bonne influence manga, animé, qui a permis de nous connecter avec notre public sur Webtoon. Un truc qu'on a remarqué, qui me réjouit particulièrement, c'est que tu parlais d'humour tout à l'heure, mais Natacha, Diane et moi, et puis on a d'autres copines aussi, on est issus du roster comédie de la partie webtoon. Enfin, donc c'est pas classé du coup pas comme en manga, shonen, shoujo, c'est pas par cible de prépublication, donc très genré. Ça va être plutôt genré littéraire, du coup, avec drama, comédie, action. Ce qui permet vraiment de beaucoup mieux s'y retrouver, parce que Shonen et Shoujo, ça veut plus rien dire. Oui, en fait. Voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, enfin bon, après, on retombe aussi un peu sur, bon, les mecs vont plus lire de l'action, les meufs vont plutôt lire de la romance et de la comédie romantique. Néanmoins, en France, ce que j'ai remarqué en comédie, c'est qu'on profite, dans la grande tradition de Molière, on profite de la comédie pour faire passer des messages. Et on éclate aussi même un peu les frontières de la comédie, parce que comme l'a dit Diane, il y a des moments carrément dramatiques ou tragiques dans Colossal aussi, et que ça soit du coup Natacha, que ça soit notre collègue Kiri aussi qui fait Mon vœu le plus sincère, on passe par vraiment beaucoup plus une plus grande gamme d'émotions que juste l'humour, sachant qu'on utilise quand même l'humour pour faire passer aussi énormément de messages. Alors Colossal parle d'aristocratie, mais aussi de musculation, et quand il s'agit de mettre en son cette émission, on vous a demandé votre playlist idéale, et il y a un titre qu'on a retenu évidemment pour cette première pause musicale, c'est l'inénarrable Eye of a Tiger de Survivor, la bande originale de Rocky. We'll be right back. Eye of a Tiger de Rocky, un choix de Diane et Rutil, voilà, en tant que playlist de Colossal, et je ne pouvais que valider. Il y a des codes, il y a des grands genres, on parle beaucoup de romance quand on parle de webtoon, donc voilà, une fois qu'on dit romance, on va avoir de la fantasy, on va avoir de l'historique, on va avoir de la magie, on peut y mettre ce qu'on veut, mais le terreau finalement de l'histoire, c'est un moment de se faire plaisir avec un triangle amoureux, avec des histoires impossibles, avec des filles qui sont maltraitées, puis finalement ça vient se passer, elle tombe amoureuse du mauvais mec, mais finalement il y en a un autre ailleurs qui l'attend. L'histoire de la vie. Voilà, exactement. Et donc finalement c'est ça, que on n'est pas sur une recherche de grande littérature, on n'est pas sur une recherche artistique. Je veux pas dire qu'elle est pas élevée, parce qu'elle est là, c'est un genre en soi, mais on est d'abord sur du divertissement. Et je crois que c'est ça qui est important, et c'est peut-être ce qui fait le décalage aussi culturel entre ceux qui aiment la bande dessinée, avec son histoire centenaire, et ce qu'on a dans le webtoon, qui est avant toute chose du divertissement qu'on pourrait qualifier de masse. Et donc, quand on veut se divertir, ben, on peut aller vite, il y a un côté jetable, mais qui n'est pas négatif. C'était une interview de Didier Borg, le fondateur de Dailytoon, la plateforme française pionnière du webtoon hexagonal, qui nous explique donc que le webtoon est avant tout un divertissement. Alors, Rutil, est-ce que vous validez cette notion de divertissement ? Mais en même temps, il a ajouté dans le sens noble... Oui, mais je dirais oui et non, parce que je suis d'accord avec l'idée de... On retourne à la bande dessinée de masse, parce que c'est ce qu'on est en train de perdre, en fait, en ce moment en France. La BD se gentrifie de plus en plus, celle que ça coûte de plus en plus cher. Les gens qui en font, il faut avoir les moyens, en fait, de le faire maintenant, parce qu'on n'en vit pas. Donc, il faut limite être un rentier. Oui, parce que les illustrateurs, dessinateurs, scénaristes sont vraiment mais sous-payés, voilà. Très largement, vu que ça ne fonctionne qu'avec un système d'avance. C'est ça. Et enfin, bon, on va pas s'étaler nécessairement là-dessus, mais juste pour dire que bah, même il y a des écoles de BD qui sont à 7000 balles l'année. Pour faire ce métier-là, moi, ça me fait doucement rigoler, parce que c'est pas du tout le genre de tarif qu'on aura, en fait, après. Donc, non, le problème de la BD papier actuelle, c'est que quand j'ai parlé un peu d'encroûtement, et effectivement, moi, celle que j'ai aimée, la BD que j'ai aimée, c'est de la BD, de la saga à suite, mais ça présupposait, en fait, une prépublication. Ce qui est complètement mort, en fait, maintenant en France. Il y a très peu de magazines de prépublication de bande dessinée qui restent. Ils sont morts les uns après les autres. Donc là, on revient effectivement à une ère de bande dessinée de masse. Ça, je suis d'accord. Là où je suis pas trop d'accord, c'est que justement, dans cette bande dessinée de masse, il y avait quand même de pur divertissement, entre guillemets. Il y avait les brocolis dont je parlais tout à l'heure. c'est ce qui a pu permettre Valérian, Mézières, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui fait passer des messages extrêmement intelligents. Alors oui, on peut avoir une coque de divertissement, c'est Goscinny qui lui disait « Surtout, vous mettez des blagues hein. !» Et Mézières disait « Mais c'est le meilleur conseil qu'il m'a jamais donné, en fait, c'est super !» Et je pense justement qu'on peut aller vers des choses un peu plus exigeantes, puisque ça s'est littéralement passé en BD comme ça. Et pareil pour le comics, c'était considéré comme un art poubelle, entre guillemets, jetable aussi, littéralement ce qu'il a employé comme mot. Et puis après, on a eu quelque chose comme Watchmen, qui est passé dans la liste du New York Times, enfin des meilleurs bouquins du New York Times ever, et qui était la seule BD dedans, en fait. Donc, je pense que c'est comme tout, c'est qu'il faut que ça gagne ses lettres de noblesse. On n'a pas encore le webtoon, probablement, qui va définir comme Watchmen tout le reste. Mais je pense qu'on peut y arriver sans problème. Et il faut pas, effectivement, prendre le divertissement juste comme, bon, voilà, il faut le triangle amoureux, il faut ceci, il faut cela. Les passages obligés, j'y crois pas trop. Et pareil pour Alexandre Dumas, je pense que sous couvert de divertissement, il fait des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on nous donne en film, par exemple, de nos jours. Mais je sens que vous êtes chaude bouillante pour en parler. On y viendra. Natacha, quel est, regard portiez-vous sur l'industrie de la bande dessinée avant de vraiment embrasser une carrière dans le webtoon? J'ai travaillé quand j'étais étudiante comme libraire dans une librairie de bande dessinée. Et j'avais ce qui ressort, enfin la raison pour laquelle j'ai fait ce webtoon en particulier, parce que j'avais l'impression que les gens de mon âge étaient abandonnés par l'industrie de la bande dessinée. En fait, à partir de 15 ans, on n'existait plus et on recommençait à exister vers 40 ans. Et parce que les éditeurs, enfin ça je l'ai vu aussi quand j'essayais de me faire publier, ils sont pas intéressés par cette tranche d'âge qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc je me sentais un petit peu abandonnée et délaissée par la bande dessinée, et le webtoon a comblé ce vide. Très bien. Diane ? Moi, de base, la bande dessinée, c'était vraiment une passion à côté de mon métier de base, donc l'animation. Vraiment un truc de cœur. Et comment dire ? Déjà pour moi, en fait, c'est un choix, c'est toute une histoire de choix et de décision entre l'art et le divertissement. On peut très bien choisir de mixer les deux, de faire l'un ou l'autre. Enfin, l'œuvre en elle-même, elle peut autant apporter dans le quotidien que, enfin, elle peut autant divertir qu'elle peut toucher à vie, grosso modo. Mais effectivement, j'avais les BD de mon père, j'avais les mangas qui sont arrivés en primaire, et là, évidemment, mon cerveau a explosé, et je me suis dit, mais c'est vraiment la vérité, c'est vraiment ce qui nous parle à nous, les ados, même à la vingtaine, etc. Mais je pense que ce qui a donné un petit peu la particularité de Colossal en particulier, c'est que je lisais pas de webtoon avant. Mmh. Et je pense que j'ai pas été teintée des codes, des habitudes bonnes ou mauvaises prises par les auteurs et autrices de webtoon. Et pour le coup, moi, mes références viennent vraiment de la BD traditionnelle, du cinéma, de l'animé, du manga, et vraiment des œuvres que j'ai choisies et qui, pour le coup, comme disait Rutile, ont, elles, leur lettre de noblesse. Au passage, juste, on peut faire les Avengers, mais on peut faire une infinité d'Avengers, les uns après les autres, parce qu'on se dit, c'est bon, ça marche, on a la formule, on la répète, mais on peut aussi faire Parasite. Et Parasite, c'est un succès commercial, c'est un succès critique et commercial, et donc, moi, je pense que, je crois à ça dans l'art, en tout cas. Et alors, vous avez parlé de la rencontre avec le manga, et en fait, il y a dans la grammaire du manga, dans la manière aussi de gérer les tranches de vie et l'humour et la comédie, quelque chose qui est particulièrement marquant dans votre travail, c'est la gestion du rythme humoristique et qui est une écriture pour le coup très très française, parce que dans les dialogues, en plus avec ce défilement, même l'espace blanc qui peut exister entre deux cases, et ça correspond un petit peu à la rythmique entre deux répliques et une punchline qui va arriver, qui va être isolée, qui va remonter comme ça sur l'écran en suivant le défilement du pouce, mais en plus ça s'associe avec une dynamique qui est vraiment très manga, qui est le fait de tout d'un coup pouvoir avoir des personnages qui vont casser leur ligne traditionnel pour devenir un petit peu plus déformé, marquer la stupeur, etc. Et je trouve que dans des styles très différents, Colossal et Sex, Drugs and RR maîtrisent particulièrement ça. Est-ce qu'il y a eu un soin particulier qui a été apporté à ça, à la définition d'une sorte de nouvel humour séquentiel via le webtoon, Natacha? Oula. Alors, j'étais pas mal baignée dans le théâtre, donc ce côté dialogue de comédie, je pense, est ressorti. Et les sitcoms aussi, en tant qu'inspiration, le rythme de la sitcom m'a pas mal inspirée. Après, oui, c'est un mix de tout, quoi. La bande dessinée traditionnelle humoristique française qui a déjà fait ses preuves, qui nous a forcément influencé, qui nous a forcément marqué, et en même temps, ces expressions du visage, par exemple, que j'ai découvertes avec le manga, qui ont permis de casser les codes, d'accentuer, et en webtoon, elles sont très très utiles. Pour marquer l'accent, parce que les gens vont lire assez vite finalement. Alors on a pioché, je pense, à droite à gauche, et on a fait notre petite tambouille, comme il n'y avait pas encore de règles, qu'on connaissait pas forcément les règles déjà existantes. On a fait notre petite tambouille pour voir ce qui marchait, quoi. Diane ? La comédie, c'est ma vie. Genre, vraiment, c'est un genre mais que j'adule absolument. Mes deux références vraiment majeures en bande dessinée, c'est Rubricabrac de Gottlieb. Vrai BD de daron, ça, par excellence. Et Fullmetal Alchemist, d'Hiromu Arakawa. Qui sont vraiment genre les deux œuvres qui ont guidé ma vie dans la bande dessinée. Mais l'humour, c'est une arme d'une puissance infinie, en fait. C'est incroyable. En Catch, par exemple, vous avez le heel et le face, le méchant et le gentil. Les heels, on leur dit bien, fais gaffe, ne sois pas drôle. Si jamais tu fais des blagues trop drôles, le public va t'adorer, tu vas devenir le gentil automatiquement. C'est viscéral, en fait, c'est naturel. Bon, je suis quelqu'un d'assez naturel en règle générale, donc effectivement, si je pense humour, ça va se ressentir assez vite dans l'œuvre. Mais en fait, je comprends pas comment on peut laisser de côté une émotion qui est aussi essentielle. Enfin, juste, l'humour apporte de la joie. Donc, à quel moment on va se dire « Oh non, je préférais qu'on se fasse vraiment chier. » Genre, vraiment, je préférais que la lecture soit extrêmement pesante. Oui, oui, oui. Ou la réalisation, mon long métrage aussi. Je préférerais que l'humour reste à la porte. Oh, toi, tu fais une blague, là. Tu veux pas que tes collègues soient sympas non plus, faut pas déconner. Ça texture énormément. Moi, j'ai une approche qui est limite un peu inverse, parce que, bon, je suis rigolote aussi comme meuf, mais les œuvres... Elle leur dit comme ça, on le sent. C'est vraiment... Non, c'est tout à fait réel, j'approuve. Je suis très rigolote. C'est un humour sec. Ça dépend de quoi on parle. Mais non, mais l'approche inverse, que moi je vois dans des séries comme Buffy contre les vampires ou Doctor Who, en fait, c'est d'utiliser l'humour pour pouvoir mieux donner des coups de poing derrière. On a des situations qui peuvent être extrêmement légères, puis soudain basculer dans quelque chose de très dramatique. Et ça m'avait toujours marqué en regardant ces séries, en me disant. On dirait la vraie vie, parce que dans la majorité du temps, on essaye d'être assez léger dans nos rapports, de faire justement des blagues, etc. Puis soudain, quand le drame survient, la rupture est tellement forte, tellement puissante, ça permet de texturer, ça permet de donner beaucoup de vallées et de pics, en fait, et justement de faire ressortir d'autant plus le drame pour moi. Et moi, c'est le drame qui m'intéresse aussi. Ah oui, donc en fait, l'humour permet de magnifier le drame qui viendra après. C'est créer une sorte de relief. On monte pour que la descente soit beaucoup plus profonde. Mais bien sûr. On lève les bras et on descend la montagne russe. S'il y a un malheur d'un côté, comment vous pouvez estimer que c'est un très grand malheur si tout le reste avant, c'est juste morne et triste? Oui. Non, il faut ressentir du bonheur pour que la tristesse de derrière ait une réalité. Ah oui, alors là, il y a vraiment, mais il y a un cerveau machiavélique qui est en train. Il faut qu'il soit heureux, là. Vraiment, profites-en, parce que tu sais pas ce que je te réserve. Et ça se ressent beaucoup dans le cinéma d'animation français. Il y a eu un film qui a un peu tout fait basculer, qui est Persepolis, qui était le meilleur film qui parlait de l'Iran, du rapport, enfin du Moyen-Orient en général, pour faire de très grosses généralités, parce que. Et en fait, à partir de là, beaucoup de studios français ont voulu reproduire ces histoires ultra poignantes, mais en oubliant en fait que ce qui avait fait vraiment le sel et le génie de Persepolis, mais c'était son humour. C'est la BD à la base, donc pas le cinéma d'animation. Alors revenons à Sex, Drugs and RER. Natacha, comment vous... Déjà, de quoi ça parle pour les auditeurs? Ça parle d'une bande de jeunes qui ont la petite vingtaine, qui sont étudiants, qui vivent, enfin pas tous, qui vivent en banlieue parisienne et qui se cherchent en fait en tant que jeunes adultes, qui cherchent leur voie. C'est un moment très très charnière dans la vie quand on sort de l'adolescence et c'est de ça dont je souhaitais parler dans cette œuvre. Et comment vous est venue cette idée? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement? Bah, je pense qu'on l'a tous vécu personnellement, en effet. Après, l'idée m'est venue parce que j'ai eu des petits déboires avec mes études et tout ça. Ça s'est pas très bien passé. Il y a un moment où je suis revenue en Essonne, chez mes parents. Et j'ai retrouvé toutes les personnes qui étaient restées là, en fait. Donc c'est le RERC. Le RERD. Ah, le D. Ah bah oui. Ah oui. Alors c'est un niveau encore en dessous, en enfer. Voilà, exactement. Oui. Ouais, donc voilà, j'ai retrouvé les personnes qui n'étaient pas parties, qui ne s'étaient pas encore trouvées, et puis ça m'a pas mal inspirée, voilà. Traumatisée peut-être. Aussi. Aussi. Et ce qui m'a marqué, c'est que donc, sur un canevas sur lequel vous étiez totalement libre, vous avez choisi de présenter comme premier protagoniste. Alors après, évidemment, il y a ses colocs, ses amis et toute une bande qui vient se rassembler autour de Léon. Mais de commencer par un jeune garçon. Et en fait, c'est pas si courant que le premier protagoniste d'une autrice soit un garçon. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est l'image des garçons que vous auriez aimé rencontrer, ou plutôt une sorte de facsimilé des garçons que vous avez rencontrés? Alors absolument pas. Je pense que je serais pas tout à fait pote avec lui, le protagoniste, hein, Léon. Non, mais c'était un peu une porte d'entrée parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes comme lui. À l'époque et puis après plus tard et c'était pareil auprès des éditeurs, c'était un moyen de faire une BD grand public, parce que malheureusement quand on propose un jeune homme blanc, bon voilà, on classe tout de suite notre BD comme grand public. Et oui, voilà, c'était une porte d'entrée un peu simple. Il avait un design parmi tous les autres personnages de l'histoire. J'ai pris lui parce qu'il avait un design très reconnaissable avec son nez pointu et ses cheveux en pique, qui rappelait un petit peu les héros de Shonen. Voilà. C'est un choix qui n'est pas forcément personnel, lié à ce à quoi je m'identifie. Mais qui est un petit peu, en tant que jeune autrice, fallait que je trouve ce personnage auquel on peut s'identifier assez facilement, pour amener beaucoup de monde sur ma première œuvre, en fait. Maintenant, les lecteurs me font confiance et quel que soit le protagoniste, ils vont lire. Donc on peut imaginer que pour le prochain, ça sera le protagoniste principal sera très différent de Léon et beaucoup plus proche de ce que vous avez envie de faire. Oui, après, Léon, c'était aussi ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, mais oui, oui, oui. Et alors, comment ça se passe? Parce que ce qui m'a vraiment marqué en lisant votre webtoon, parce qu'il y a 138 chapitres qui sont tous accessibles, c'est de voir déjà la tapisserie qui se développe au fur et à mesure, c'est la véracité des échanges et des situations que les protagonistes vivent. Mais surtout aussi, c'est les réactions à chaque chapitre hebdomadaire de la communauté. Comment vous avez géré ça, le fait de travailler pendant aussi longtemps avec toute une cohorte de gens, mais qui, on avait vraiment l'impression que les personnages leur appartenaient aussi, sur les épaules. Oui, alors... J'ai eu l'occasion récemment, j'ai fait plusieurs festivals, de rencontrer les lecteurs et ils ont des relations parasociales avec les personnages. C'est fou, pour eux ils sont plus réels que pour moi, parce que pour moi c'est juste c'est du travail en fait. Finalement c'est des fiches sur lesquelles j'ai écrit une liste de caractéristiques, voilà. Et c'était, alors parfois j'ai dû mettre des stops, j'ai dû couper les réseaux sociaux parce que si par exemple il y avait quelque chose qui se passait pas forcément comme les lecteurs l'espéraient. Bon, des fois, faut donner au lecteur ce qu'il a besoin de lire et pas forcément ce qu'il a envie de lire. Donc, il y a eu des moments un petit peu difficiles comme ça où j'ai dû mettre des barrières, mais en effet, il faut pas se laisser envahir, quoi. Après, ça a créé une communauté qui est très très soudée. Les lecteurs se sont réunis un peu en fan club sur Discord, et il y en a une qui a rencontré son compagnon grâce au webtoon et tout ça. Enfin. Ça m'a vraiment dépassé. Ça vous a dépassé. Ah ouais. Et donc on est bien d'accord qu'au bout d'un moment il y a des stops qui ont été mis. Et quand je vous ai demandé un petit peu quelle playlist pourrait colorer Sexe, Drogue, NRER, vous nous avez parlé d'Orelsan, et donc on va l'écouter tout de suite maintenant, Orelsan. Dans ma ville on traîne, entre le béton les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. Encore sous les bombardements, t'entendras que les flics et le bruit du vent. Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps, qui devraient pas trop s'approcher du bord, quand ils vont se terminer sur le port, dans les quelques bars qui servent encore, où y'a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville, où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter. Youhou, ouais. Le caddie des parents ralenti devant Pizza Del Arte, pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers, près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier, où tu peux voir les grands tours des quartiers, où l'architecte a cru faire un truc bien. Si je rappais pas, j'y serais jamais allé, parce qu'on se mélange pas tant que ça là d'où je viens. Après y'a des champs, y'a plus rien. Si tu vois de la fumée quand tu reviens, c'est que dans les usines pas très loin, on se cale sinon s'abîme, on fait du carburant pour la machine, à côté des pavillons rectilignes, où on pense à ce que pense la voisine, où on passe les dimanches en famille, où on fabrique du blanc fragile. Longe le canal, prends le périph, t'arrives à la salle où j'ai raté des lay-ups décisifs, pas loin d'un coin perdu où les filles se prostituent, au milieu des grues, là où y'a les bus qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes, où les parisiens nous trouvaient tellement nuls, où tu vois l'Angleterre derrière la brume. Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout pour nous rappeler qu'on y passera tous, et tu seras de retour en ville, où les bourges font les courses et les punks mendient, où y'a des clochards dont tout le monde connaît les noms. J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à coups de tesson devant l'épicerie, celle qui est toujours ouverte près du château, c'est doux et c'est légende urbaine. J'ai fait des mariages, des enterrements dans les mosquées, les églises et les temples, sous un crash un normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement, ma ville au sans clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé. Dans ma ville, on traîne d'Aurel San, un choix de Natacha Rato. J'ai son parfum dans la tête, je m'éloigne de la fête, c'est juste trop la haine que ma peur m'emmène. Je contrôle pas mon destin, triple W dans les pensées, j'ai pas changé, je toucherai pas les étoiles, est-ce que je suis pris dans la toile? Tu sais, je suis comme Atlas dans la maison, ouais. Pas trop à ma place, je deviens brossant merde. Et hey, quand le soleil se lève, va que mes emmerdes. Je peux pas vraiment quitter le vaisseau mère. Ma planète est belle. Dan KDH avec Oiseau Mécanique, Natacha Rato. Je ne connaissais pas. Qui est ce Dan KDH? C'est un lecteur de Sexe, Drogue et RER. J'ai fait, alors sur Webtoon, pour la petite histoire, il y a un petit côté multimédia, on peut mettre des animations, on peut mettre des musiques aussi pendant la lecture. Et donc j'avais besoin d'une musique pour faire la voix d'un personnage qui chante à un moment, qui rappe. J'ai organisé un petit concours sur la page Instagram, sur ma page Instagram, et Dan l'a remporté. C'est lui qui avait fait la production la plus professionnelle de ce que j'ai pu recevoir. Bravo à lui. Après, on a continué à collaborer parce que comme c'était un peu la voix officielle du personnage, je l'ai réembauché 2-3 fois. Et voilà, c'est les petites rencontres que j'ai pu faire grâce au webtoon. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est que le casting de Sex, Drug and RER est très très très diversifié, à la fois en termes de nationalité, en termes de genre, en termes d'identité sexuelle, et c'est quelque chose que j'ai, qui m'a frappé. Est-ce que c'est une volonté personnelle d'avoir voulu présenter aussi une France beaucoup plus proche de ce qu'on peut voir quand on sort de chez soi, quand on prend le métro, le bus, n'importe où en France? Alors moi, je me suis pas posé la question, parce que comme c'est ce que je vois quand je sors de chez moi, c'est ce que j'écris. Mais on m'a souvent fait la remarque. Ça prouve plutôt l'effet inverse, c'est que les médias français sont quand même très très, enfin ne sont pas très représentatifs de la population. Si on me pose la question, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. On est d'accord. Voilà. Ben voilà, je voulais juste vous faire dire ça et je suis content. Alors maintenant, on va passer à Colossal. Colossal. Rutile, Diane, qu'est-ce que ça raconte, Colossal? Ben, ça raconte l'histoire de Jade, qui est fille d'aristocrate. Et comme beaucoup d'aristocrates français, ben, ses parents n'ont plus une thune. Les caisses de la famille sont vides. Du coup, ses parents espèrent évidemment la marier à un beau petit jeune homme qui aurait, si possible, la situation financière qui va avec, le titre de noblesse, etc., pour redorer le blason et la fortune. Sauf que Jade, elle en a rien à taper. Ce qu'elle veut, c'est faire de la muscu. Elle est fan de musculation, elle a ses potes dans une salle un peu secrète qu'elle planque à ses parents, et elle va essayer de naviguer, en fait, tant bien que mal, entre cette vie et cette famille qu'elle a pas l'impression de pouvoir quitter, ses parents qu'elle veut pas décevoir, et bah, ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle. Rutile, alors, moi, ce qui m'a tout de suite immédiatement marqué dans Colossal, c'est que prendre pour toile de fond ces familles aristocratiques dont on sait le goût du secret, dont on peut souvent même ironiser comme ça, Madame de la Patelière, etc. Ces gens qui continuent encore de dire « Oui, mais il y a un roi en France, mais simplement, il n'a pas d'autorité réelle, etc. » Comment est venue cette idée de baser, comme toile de fond, votre histoire sur cette catégorie de personnes? Alors, c'est Diane qui avait le pitch de Colossal. En fait, la série lui a été plus ou moins commandée. On lui a demandé de faire un shoujo, elle s'est dit « Ah ben moi j'ai commencé à faire du sport, il faut que j'arrive à placer mon héroïne dans un contexte qui puisse électrifier un peu son envie d'accomplir quelque chose et d'avoir un obstacle suffisamment fort en face d'elle à surmonter. » Et donc le milieu aristocratique était suffisamment genré et avec un renforcement de code extrêmement violent. Tu vas être une bonne mère, tu vas être une bonne femme, tu vas avoir du coup une certaine apparence physique qui va correspondre à ton statut. Donc il y avait une contradiction fondamentale. Ce qui est rigolo, c'est que cette contradiction, elle n'est pas forcément évidente. Quand on se dit, ben oui, c'est une aristocrate qui fait de la muscu, et alors ? Mais en fait, ça nous a permis de nous plonger dans des ouvrages sociologiques. C'est très bourdieusien, Colossal. Avec une citation des Pinceaux Charlot, alors que j'avais pas vu venir. j'ai commencé, je lui ai dit, ah ben ouais, en fait, point levé. Hein. Bah oui, c'est fascinant parce que c'est de la théorie qui veut que notre classe sociale impacte nos corps, que c'est inscrit à l'intérieur, au-delà de vos vêtements même, ce qui est aussi important, mais c'est inscrit à l'intérieur de votre chair. Votre apparence physique sera déterminée par la thune que vous avez, et aussi, pareil, cette espèce de patine des siècles, de la culture. Mais parce qu'il y a aussi l'équitation, et notamment Héloïse, jeune fille qui essaie justement d'intégrer complètement les codes de la noblesse, mais qui est juste riche. Là, elle est juste riche, elle. La pauvre. La pauvre. elle a cette pression parentale qui lui dit ne fais pas trop d'équitation, parce que sinon tu vas être trop musclé des cuisses, et le muscle est vu comme quelque chose qui appartient au roturier. Bah, y a là aussi une espèce de paradoxe, parce que je pense aussi sincèrement que de nos jours, les prolos, ils ont des corps gros, où en fait on n'a pas le temps de l'entretenir. Donc il y a une certaine forme de corps riche où effectivement il y aura du muscle, mais il faut que ça soit acceptable, parce que la plupart aussi des bodybuilders et autres, enfin c'est ceux qui travaillent vraiment leur corps pour l'hypertrophie, ils sont pas riches en vrai. Il y en a pas mal qui sont des gros prolos aussi. On parlait de Rocky hors antenne tout à l'heure, mais voilà, on a encore quand même de nos jours, il y a un certain type de corps musclé qui sous-entend entraîner bonheur personnel, avoir le temps de manger les bonnes choses, etc., etc. Il y a un corps de prolo qui sous-entend un mode de vie sédentaire, pas le temps d'aller à la salle, pas le temps de faire quoi que ce soit, mauvaise alimentation d'une manière générale, et puis dépression aussi, parce que c'est un facteur quand même extrêmement important. Travail éloigné de chez soi, donc obligé de prendre la voiture, donc moins de pas. Voilà, et à côté de ça aussi, un autre type de corps qu'on a représenté avec Alexandre le palefrenier, qui est aussi un corps où quand on travaille de ses mains, quand on travaille de ses muscles, et où aussi, au passage, on peut se détruire le corps à force avec ça, on a aussi ce côté un peu plus musclé, mais c'est un muscle différent encore. Donc on a essayé de mettre autant de nuances possibles. C'est pas juste genre les riches minces, les prolos musclés slash gros. Il y a comme avec le côté héritage culturel, capital culturel, capital financier, etc., qui sont aussi une théorie des pincements Charlot, c'est-à-dire différencier les différents types de richesses. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais on peut avoir des siècles et des siècles de quartiers de noblesse derrière nous. C'est pas la même chose. Ou des connexions sociales extrêmement importantes. Bon, voilà. Donc pareil pour les types de corps, on a voulu vraiment avoir la plus large gamme possible, tout en disant, c'est pas innocent en fait, les formes de corps, ça vient de quelque part. Diane, est-ce que vous aviez déjà eu une première approche de cet univers de l'aristocratie avant la série, où il a fallu enquêter et trouver un petit peu comment ça fonctionnait, les codes? Ah, c'était le Sherlock Holmes de l'aristocratie, vraiment, j'ai jamais mis les pieds dans ce milieu. Je connais de loin un ou deux amis de la famille qui en font partie, mais vraiment, justement, les pinsons Charlot ont été la base de tout ce que j'ai appris là-dessus, j'ai appris énormément. Également, les ouvrages de Florence Dupré-Latour, qui est autrice de BD, mais qui appartient... Oui, Pucelle... C'est ça, Pucelle, Cruelle, Jumelle. Trilogie qui est enfin complète. Alors, on a grossi le trait, évidemment, parce que de base, quand j'étais venue avec cette histoire et qu'on en a parlé avec Rutile, je lui avais dit, j'aimerais vraiment que ce soit très réaliste, que vraiment on sente ces familles hyper, vraiment, réalisme pur. Elle m'a dit, on va s'emmerder. Parce que moi, pour le coup, j'en connais en fait des redoudeux. J'en connais. J'ai déjà été invité à un rallye. Je savais pas danser le rock, donc on m'a laissé complètement de côté. Je me suis dit j'y retournerai plus jamais. des femmes de banquiers dans le 9e et dont les enfants les vouvoient en disant mais en disant des trucs comme père, vous faites chier. Ça, j'ai jamais entendu de ma vie. Je trouvais ça incroyable. Non, il me fascine. Il y a une fascination, mais je sais qu'ils sont chiants comme la pluie aussi. En fait, c'est pas des gens intéressants. Le 16e, c'est un des. Enfin, on y est. Hein. C'est un des pires endroits au monde. En même temps, je vous laisse parler. Moi, je sais que je vais recevoir des tonnes de mails à la porte. Je vais recevoir des missives. Cachées de cire. Vous signifier dans votre émission. Avec un pigeon. Nous ne sommes pas ennuyeux, loin de là. Moi, je connais un très bon petit troquet au coin de la 12e rue, là, à 1 km. 24 euros le café. On y est très bien accueillis. Mais comment vous vous êtes rencontrés, Rutile et vous? Je l'ai stalkée sur Internet. Elle avait posté ses dessins sur Tumblr, donc il y a une plateforme qui est maintenant un peu morte, mais où plein de dessinateurs postaient leurs dessins. Et je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit « Ah, mais ça, c'est tout ce que j'ai toujours attendu et tout ce que j'ai toujours voulu, en fait. » Elle faisait ce que j'appelle des hommes chouins, c'est-à-dire des jeunes hommes très offerts au regard, notamment féminin, puisque c'est le sien, de regard. C'est des jeunes hommes objectivés. Oui, et de façon vraiment comme des pin-ups, c'est-à-dire que je m'étais rendu compte de la difficulté à faire des pin-ups masculines par des femmes. On est tellement matrixé avec des codes extrêmement masculins que même quand des femmes essayent de faire des pin-ups masculines, ça a tendance à être des mecs très en pouvoir, très les muscles très saillants, limite un peu dans l'agression, alors qu'une pin-up c'est alangui, c'est offert, viens, on va passer un petit moment ensemble, ça va être sympa. Et en fait, les hommes que dessine Diane, c'est vraiment entièrement ça. Oui, il y a un côté deux secondes avant un évanouissement. Un bon câlin, quoi. Oui. On se dit, on a envie d'y aller. Et ça, c'était ce que j'ai vu. Et pareil, à côté de ça, des femmes à motifs léopard et fourrure avec des grosses masses d'armes, et je me suis dit, ah, yes, quelqu'un avec qui je peux m'entendre. D'accord, donc ça a été la base de votre rencontre. Ah, totalement. Et ensuite, ce qui a scellé ça, c'est que pour notre première rencontre, elle m'a invitée dans un salon de thé où il servait un cake double Nutella. Donc voilà, là le deal était conclu. Nutella dedans dehors, c'est cake au Nutella avec du Nutella par-dessus. Et alors là, pour revenir sur ce que je disais en édito, sur les gens qui passent énormément de temps à la salle et qui sont convaincus que rencontrer quelqu'un, c'est forcément développer son muscle, et bah des fois non. Juste, voilà, liker un dessin d'homme à l'anguille et un cake avec Nutella, ça marche aussi, on peut rencontrer des gens comme ça. Des arguments imparables. Voilà, voilà. C'est bon à savoir. Comme quoi, il y a un champ des possibles qui est énorme. Et Natacha, vous vous êtes rencontrés comment avec Rutil et Diane? Sur Discord. Non, après virtuel avant tout. Ouais, voilà, parce que on s'est finalement entre auteurs de webtoon, on a commencé à créer notre propre petite communauté, et puis la grande rencontre, ça a été Japan Expo l'an dernier. Voilà. Mais ce qu'on aime bien avec Natacha, c'est que on... alors ce qu'il y a de bien avec les auteurs de webtoon en France, c'est qu'ils se sont organisés assez vite justement en communauté. Donc on parle de Discord, mais il y a beaucoup d'auteurs de webtoon français qui sont sur Discord. Et ben on peut parler justement de s'échanger des tips, de conditions de travail, etc. Et c'est vrai que Natacha, Diane et moi, on est vraiment les apparatchiks du Discord en mode non mais faut exiger des trucs, mais allez leur parler enfin, mais enfin. Ah mais j'assume ma glande absolue, hein. Les auteurs qui me disent ouais moi je travaille 80 heures par semaine, c'est comme ça que j'aurai le succès, moi je suis là, et eh ben cette semaine j'ai travaillé que 35 heures et j'ai du succès, regardez, c'est possible. Mais oui, non, c'est important, et donc on s'entend particulièrement bien avec Natacha parce que bah oui, politiquement on s'entend bien, et que justement on fait gaffe quand même, parce que ça peut se dégrader très très rapidement la condition des auteurs, d'autant qu'ils sont jeunes les auteurs de webtoon. Donc moi j'ai 15 ans de bande dessinée papier derrière moi, je suis une vieille briscarde, mais y en a plein qui se lancent et qui se disent bah oui, 10 euros ça va, c'est une somme quand même pour faire tout un épisode qui correspond à 15 pages de BD couleur. En fait on est les mamans marxistes. C'est ça. Ah, il y a une succursale de CGT qui est en train de se créer au sein du webtoon qui est portée par Rutil et Diane, c'est ça? Exactement. En fait. Et Natacha. Si vous saviez. Et est-ce que vous avez des rôles attitrés, Rutil, Diane? Est-ce qu'il y en a une qui est spécialisée dans un aspect du développement de Colossal et vice-versa? Bah même si moi évidemment ma spécialité c'est le dessin et Rutil c'est le scénario, l'écriture de l'histoire se fait vraiment à deux. On a eu vraiment un jeu de ping-pong absolument permanent sur tous les épisodes de la série, parce qu'on a toutes les deux les mêmes références, des messages à porter, et on avait vraiment envie de beaucoup en parler. Donc évidemment pour la petite broderie scénaristique, Rutil est absolument là et moi je peux absolument rien faire. Bah on a conçu, enfin le pitch est de Diane à la base et ça correspond vraiment à son univers et à ce qu'elle voulait raconter. Moi par-dessus, quand elle m'en a parlé, je lui avais parlé de ma méfiance aussi fondamentale du milieu de la muscu, parce que je disais non mais enfin j'ai pas, parce que muscu ça rime avec mascu, parce que genre j'étais pas chaude. Elle a vu apparaître le visage de Thibaut Inchep en université, mais elle a réussi à casser mes clichés là-dessus justement, sachant que je lui avais dit je veux pas que ça soit une ode à justement cultiver son apparence physique, ça je n'en veux absolument pas. Et il va falloir qu'on parle aussi d'autres formes de corps, il va falloir qu'on parle de grossophobie, parce que c'est aussi un truc qui est très prégnant dans le milieu de la muscu. Et en l'occurrence, ben c'est... D'autant qu'on le sait très bien dit dans Colossal, et c'est totalement vérifié dans le réel, c'est que la majeure partie des hommes et des femmes fortes qui font des concours, qui tirent des avions, qui tirent des bateaux, c'est des gens qui ont des morphologies où sont évidemment très musclés, mais aussi très enveloppés, parce que la graisse aide justement à retenir... C'est tout notre propos, c'est vraiment d'arriver à détacher l'apparence physique de la force, et de raccorder justement l'idée du muscle à la force, puisque le muscle de nos jours ne sert... On a décidé que le muscle c'était bien, la graisse c'est pas bien. Ce qui est étrange, parce qu'on a besoin de tout dans notre corps, en l'occurrence. Et du coup, il y a des corps qui sont entièrement tournés justement vers ce muscle et que en termes d'apparence, mais qui ne sont pas forcément des gens forts, en fait. Et après, au-delà de ça, c'est le fait de raccorder la force physique à la force mentale. Et c'est vrai que Diane m'a amené à la salle, elle m'a initié, et j'y ai même pris goût. Alors ça aussi, parce que pareil, quand on est gros, donc je suis grosse, et on se dit, c'est pas pour moi, ça ne sera jamais pour moi, je ne ressemble, paradoxal, je ne ressemble pas à quelqu'un qui fait ça. Oui. Alors que non, il n'y a pas ce genre de limitation. Vous avez le droit de le faire, vous pouvez le faire. Et même, on m'a limité quand j'étais jeune, parce que moi, j'y ai repensé. Après, j'étais championne nationale de lancer du poids à l'île Maurice, quand j'avais 14-15 ans. Mais c'est pas un truc, c'est un truc, je me pointais au stade, je lançais le truc, ça allait loin, on m'a dit bravo, t'as gagné, et puis c'est tout. On ne me félicitait pas particulièrement pour ça, on m'a jamais poussé dans cette voie-là, parce que c'est pas ce qu'on demande aux meufs, c'est pas féminin, c'est pas... et donc, ça m'a marqué en fait de me dire, bon, j'aurais peut-être pas fait carrière dedans, mais c'est un type de force, un type d'athlétisme, et on m'a toujours dit, non, non, ça c'est pas pour toi. Et surtout, je pense aussi, et c'est quelque chose qu'on voit très très bien dans Colossal, ce rapport à l'activité physique, c'est aussi quelque chose de l'ordre d'une thérapie mentale qui se fait. Faire ses séries, voilà, utiliser un petit peu ses barbarismes, t'as fini ton set, etc. Est-ce que je peux te coacher pour gérer ton développé couché ou coucher, ce genre de choses. Souvent, c'est des batailles que les gens livrent face à eux-mêmes. J'ai vu pas mal de salles où effectivement c'est des gens qui arrivent avec des gros traumas qui n'ont rien à voir avec le corps, mais plus avec la psychologie, qui les résolvent par l'activité physique. C'est très drôle parce que si vous traînez un peu sur le TikTok ou le Insta de la musculation, vous voyez vraiment beaucoup de gens qui sont « Waouh, ma motivation pour aller tous les jours à la salle !» L'anxiété et la dépression. toutes ces vidéos-là, Diane me les envoie. C'est très drôle. Mais effectivement, j'ai parlé à partir du moment où je me suis mise à la muscu, au sport, ce que j'avais pas fait depuis littéralement le bac d'EPS. J'ai parlé beaucoup avec notamment des femmes en fait qui se sont remises au sport et un sport qui leur plaisait parce qu'elles en avaient envie, pas parce que on leur a dit il faut faire du sport pour être en bonne santé ou faut avoir une bonne note au bac. Et elles m'ont toutes dit la même chose et j'ai ressenti pareil. On a une réappropriation de notre propre corps, de notre propre espace. Il y a la confiance en soi qu'on prend, la réalisation de nos propres capacités, le dépassement de ses capacités, c'est absolument incroyable ce que ça fait au mental. Et vraiment, j'encourage tout le monde à essayer, à trouver un petit peu son truc aussi, parce que c'est pas juste, fais ça, il paraît que ça fait en forme, ou il paraît que la natation, c'est bon pour le corps. Oui, certes, mais si ça vous intéresse pas, ça sert à rien. Mais surtout, affine ta taille et tes cuisses. Oui, évidemment. Et alors, en choisissant la tapisserie des jeunes filles de bonne famille, mais en y introduisant cette passion du muscle dans Colossal, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une envie de dynamiter les codes de série avec lequel j'ai grandi, moi, Princesse Sarah, où quel que soit le niveau d'affliction qu'elle connaît, elle est toujours gentille et bien élevée. Alors que Jade, elle est gentille aussi. Mais elle a aussi un côté cash, genre, mais t'es teubée, toi, en fait. Et est-ce qu'il y avait aussi cette envie de prendre ce modèle de la jeune fille qui reste toujours bien respectable en toutes circonstances et de le dynamiter en disant, attendez, elle a le droit d'être en colère, elle a le droit d'envoyer chier, elle a le droit de dire les choses. Alors, quand j'étais petite, je détestais Princesse Sarah pour les raisons que tu viens d'évoquer. Je pense que j'ai rarement vu un épisode d'un dessin animé qui m'a autant fait sortir hors de moi. Mais exactement comme disait Natacha, en fait, c'est pas vraiment un truc auquel j'ai vraiment pensé à fond comme ça, que j'ai théorisé. C'est juste un petit peu naturel. C'est dans la vie, je vais pas forcément me laisser faire ou être une serpillière. Donc pourquoi est-ce que mes personnages... Et donner le tout petit morceau de pain qu'on vous donne à la souris, parce que vous êtes tellement bien élevé qu'il vaut mieux que la souris elle mange avant même d'avoir... Non mais voilà, Princesse Sarah, je pense que c'est extrêmement exagéré. Après, il faut pas non plus tomber dans le travers de la femme forte qui, au final, n'est qu'une espèce de personnage masculin avec des boobs. C'est-à-dire, enfin moi, c'est un truc qui m'énerve aussi dans les séries comme Game of Thrones, etc. C'est-à-dire que les personnages qui sont doux et passifs et qui s'en prennent plein la gueule, mais qui arrivent quand même à développer une force intérieure, typiquement Sansa, dans les bouquins, on glorifie ça, en fait. On lui dit bravo, meuf, t'es nulle, mais t'as réussi à tenir. Alors que dans la série, ça devient à la fin, genre une espèce de meuf froide en mode tuez-les tous, machin. Et là, soudain, c'est bien. Là, c'est bravo, meuf, c'est pareil pour Cersei, etc. Tout de suite, on se dit enfin, une meuf qui ressemble à un mec et qui est pas juste une petite chose fragile. Il y a des meufs qui ont pas d'autre choix que d'être des petites choses fragiles. Ça n'en fait pas moins aussi des femmes fortes. Par rapport à Jade, en tout cas, effectivement, Jade et Diane sont une seule et même personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, moi, j'ai voulu texturer. C'est-à-dire que, justement, pas être uniquement, elle n'est pas uniquement dans le conflit, il y a des, elle a des moments d'impuissance intense. Quelque part, justement, c'est sa défense d'être un peu... et puis elle est beaucoup dans sa tête aussi en disant oh, « ça va oui, ta gueule ». Et puis elle sait aussi se mouler... C'est ça. Donc elle se réfrène effectivement beaucoup, mais vers la fin du webtoon, elle connaît un long moment d'impuissance extrêmement intense que beaucoup de lecteurs aussi n'ont pas forcément compris, où ils se disaient mais c'est fou, mais elle s'est fait laver le cerveau, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des moments où on baisse les bras, il y a des moments en fait où on a tellement été détruit mentalement qu'il n'y a plus rien qui reste. Et donc même ce personnage qui paraît très fort, qui semble être très cash, etc., pour moi c'était extrêmement important qu'elle connaisse ce moment d'impuissance, parce que ça en fait un personnage un petit peu plus humain. D'autant que... Pardon, les personnages féminins dont tu parles, en fait, ils ont clairement été écrits soit par des hommes, soit par des femmes matrixées, en fait. À aucun moment, ils se calquent sur une réalité quelle qu'elle soit. Et du coup, nous, à partir du moment où on connaît des gens autour de nous, on connaît des femmes qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, à partir du moment où on sait comprendre ces dynamiques psychologiques, il n'y a aucune raison pour qu'on les écrase et qu'on fasse des personnages qui sont des pantins, en fait. Et cet attrait, enfin, cette importance des défauts, on l'a tout aussi en nous. Enfin, j'ai eu une adolescence extrêmement problématique, voilà, je tiens à le dire, donc c'est normal. Et d'autant que Jade, l'héroïne, et on le voit dès le début de Colossal, et semble prisonnière de sa condition, de sa mère, même si c'est traité sous l'angle de la comédie, il y a quand même le poids de la maman, là, il est très très fort, et des attentes qui vont avec son statut social. Et est-ce que c'est une situation qui est partagée par des jeunes filles que vous connaissez, que vous avez connues, ou est-ce que ça agit comme une métaphore des assignations genrées qu'on fait aux femmes en général? En fait, cette importance de la figure de la mère, clairement, c'est un concept que j'ai découvert de l'aristocratie par les écrits des Vincent Charlot. En fait, la matriarche est vraiment la structure de toute la famille. C'est incroyable. Souvent, c'est les pères qui sont en puissance et ils ramènent l'argent, etc. Mais ils ne participent à rien dans la vie familiale. Ils n'éduquent pas les enfants et ils n'apportent rien en termes d'éducation. Donc voilà, ils servent à ramener de la thune et c'est tout. Les mères, en revanche, elles sont la base de tout le tissu social et elles construisent le futur de leurs enfants. Donc vraiment, elles ont une importance, elles ont un poids sur les épaules qui est dingue. Évidemment, s'il y a des choses qui vont peser sur leurs enfants, c'est aussi des choses qu'elles reproduisent elles-mêmes, qu'elles ont vécues. Mais c'est aussi ça qu'on a voulu montrer. Mais au passage, qu'on retrouve aussi dans Jumelles, Pucelles, etc., le rôle de la mère. Et dans Colossal aussi, ça s'est traduit... Et même d'une certaine manière, dans Sex, Drug, RER, où même si le père est présent, on sent quand même que il a fait 2-3 pas de côté, il dit « Oh, mais laisse-les tranquilles, ils vivent leur truc. » Si on prend la globalité de ces webtoons, les pères ne brillent pas par leur omniprésence et par leur action dans la vie de qui que ce soit. Mais désolé au papa, il y a plein de papas géniaux, mais... Oui, mais encore une fois, c'est un travail non payé de babysitting de la part des femmes. Elles forment les travailleurs aussi de demain, entre guillemets, pour un boulot qui n'est absolument pas payé. Mais pour en revenir à Colossal, la mère de Jade a une importance capitale. À un moment donné, Jade s'essaye aussi à reconnaître les gens comme sa mère le fait, et elle fait « Ah, la vache, dis donc, elle a un Rolodex entier dans la tête, parce que moi, j'y arrive pas et c'est compliqué. » Et il y a aussi un moment pivot où, je vais pas trop spoiler, mais Jade est en difficulté, il y a un personnage qui essaye de convaincre son père de débloquer la situation, et en fait, on se rend compte que c'est pas son père, au père de Jade que le personnage s'adressait, mais à la mère, et c'est la mère qui débloque la situation. Ça, c'était hyper important, en fait, dans le webtoon, parce que, effectivement, ça reposait entièrement sur elle depuis le début. Et le l'axis mundi de ces familles, c'est la mère. Il y a une image que j'adore au tout début dans le tome 1, où il y a les trois mères qui sont rassemblées, parce que donc le début de Colossal, c'est Jade balance un de ses prétendants dans un buffet. Donc et montre ainsi qu'il est trop léger. Elle montre sa grande force soudain. Il est trop chiant surtout. Donc elle le balance dans un buffet sans trop s'en rendre compte, un peu en mode de pilote automatique. Et en fait, il y a une espèce de réunion au sommet pour qu'elle s'explique devant une espèce de tribunal, et ce tribunal est constitué de des trois mères principales concernées. Et j'adore cette image où il y a vraiment trois juges avec un regard en contre-plongée comme ça. J'adore ces personnages là c'est des personnages totalement secondaires mais qui sont très marquants. Ils font un peu la mafia des mamas. Ça m'a fait penser à ce passage dans Alerte Rouge où il y a les sœurs de la mère de l'héroïne et qui se transforme en panda rouge et qu'elle est, qui viennent faire une sorte de conseil de famille, et il y a toutes les femmes de la famille qui la regardent comme ça, comme cette autorité, les statues de Pâques. C'est ça. Et alors, on arrive quand même bientôt à la fin de cette émission, donc il y a une question que j'aimerais vous poser sur la publication numérique. Quand vous avez un travail hebdomadaire de qualité qui doit sortir, comment vous en vivez en fait? Parce que ça, c'est ma compagne qui m'a dit, mais demande-leur comment elles en vivent. Parce qu'évidemment, mon fils et ma fille ayant lu Colossal, ils veulent faire aussi du webtoon. Et donc moi, je suis parti pleurer un petit peu. Et puis je suis revenu, je dis, non, mais faites ce que vous voulez, épanouissez-vous. Désolé. J'ai besoin de savoir comment on se fait rémunérer quand on lance son webtoon. On est rémunéré, Natacha, par la plateforme. Voilà. Donc par la publicité ? On a un contrat, enfin on est rémunéré au chapitre en fait, un petit peu comme si on était rémunéré à la pige en gros. C'est ça. C'est ce qui était le système autrefois justement pour les BD en prépublication. On était payé à la production de bande dessinée et on touchait des droits d'auteur dès le premier album vendu. Ce qui est donc plus du tout le cas maintenant puisqu'on est payé en avance sur le droit d'auteur. D'accord. Et en l'occurrence, c'est pas grand-chose, c'est pas hyper bien payé, c'est autour grosso modo de 500 euros l'épisode. Mm-hmm. C'est pas fifou. Et vu que c'est des épisodes qui sont laissés à la disposition régulièrement, est-ce qu'il y a un intéressement sur les droits d'auteur qui va revenir les mois suivants, ou est-ce que quand ils vous paient ces 500 euros pour un épisode, c'est mort, après oui, vous touchez plus rien? Mais par contre non, ce qui est intéressant, enfin en tout cas dont les conditions qui avaient été proposées à une certaine époque, je sais pas si ça a changé depuis, mais c'est qu'on a gardé nos droits. Donc les droits de publication papier, ce qui n'est pas du tout le cas en publication papier en BD de nos jours. Donc c'est droits audiovisuels, publication papier, droits étrangers, etc. Ça, on les a conservés. Donc du coup, là, notre beurre se fait en fait sur le fait qu'on a conservé ces droits. Et ces droits sont extrêmement importants. Les éditeurs papier en France le savent puisqu'ils se les arrogent d'entrée de jeu et sans compensation dans la plupart des contrats. Ils peuvent s'asseoir dessus, ils vont vous prendre vos droits audiovisuels d'entrée de jeu, et puis ne jamais rien en faire. C'est possible aussi. Donc vraiment, au niveau éditorial, en fait, il y a une... Enfin, pas éditorial, mais au niveau des droits, il y a une beaucoup plus grande liberté et un respect un petit peu de l'auteur par rapport au webtoon, en fait. Alors qu'en France, effectivement, on n'est pas très très bien à ce niveau-là. Bon, la paye n'est pas mirobolante, mais... Elle n'est pas mirobolante au départ, mais par contre, vous avez l'intégralité des droits pour une exploitation, ensuite, passage papier, série, film... C'est ça. Et il y a effectivement les bonus, ce dont tu parlais, la pub, etc. En fait, il y a plusieurs systèmes. Il y a à la fois ce qu'on appelle les fast pass, c'est des épisodes en avance. Si on veut être en avance sur la série, on peut payer un peu plus. Il y a de la publicité. Il y a certaines plateformes qui, en revanche, vont faire payer que à la lecture parce que les chapitres vont être payants. Donc voilà, il y a surtout ces deux modèles économiques, de être payé au chapitre, ce qui est quand même énormément mieux, ou être payé à la vue. Et les petits bonus à côté. Et il y a ce passage ensuite à la version papier. Comment faire avec un public qui a déjà lu la totalité de l'histoire gratuitement? Est-ce que c'est pour toucher un nouveau public? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui, on a beau leur dire que c'est génial et tout ça, ne liront jamais sur téléphone portable ou sur tablette. Donc est-ce que c'est pour toucher un nouveau public, ou est-ce que c'est aussi pour faire le pari que un grand nombre de vues et de lectures du webtoon en numérique il y aura une petite partie qui va quand même migrer vers le support papier? Les deux. Et du coup, vu qu'il y avait les deux, on a deux versions de la BD. Une version normale souple et une version collector rigide. Donc le premier qui s'adresse plutôt à ceux qui voudraient découvrir. Effectivement, il y en a plein, ça fait super plaisir. Certains justement qui ne veulent pas du tout lire sur smartphone, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'avec le nombre d'écrans qu'on voit par jour, on a peut-être envie de se reposer les yeux à un moment. Et les autres qui, en fait, ont adoré le webtoon et veulent vraiment le posséder. Les Français sont très, très attachés au papier, donc l'avoir dans sa bibliothèque. Surtout qu'on a fait très, très attention au livre en lui-même. On a voulu que ce soit un très bel objet avec des bonus. Donc on a apporté beaucoup de choses. Oui, puis en plus, ça ne s'agence pas de la même manière. Forcément, une page, alors que là, on pouvait scroller de haut en bas. Est-ce que ça doit être repensé complètement ? Ça doit être remis en page entièrement, effectivement. Il y a un studio SCB Solutions qui nous aide là-dessus et qui fait vraiment tout le gros du travail, heureusement. Et on a, du coup, on a ces pages qui sont beaucoup plus aérées, en fait, que des pages de BD classiques, où vraiment on a des gouttières, ces espèces de tranches blanches entre les cases qui sont très très fines. Et là, en fait... moi, j'aime bien, j'avoue, parce que on retrouve un petit peu une espèce de liberté de cases et de dessins qu'on peut avoir dans le manga. C'est beaucoup plus aéré. Mais on nous a félicité sur cette remise en page à maintes reprises parce qu'effectivement la lecture, on a fait en sorte qu'elle soit la meilleure et la plus fluide possible. Puis on fait gaffe à l'unité. Moi, c'est mon obsession en BD, c'est qu'une page constitue une unité, des bandes constituent des unités. L'unité en webtoon, c'est l'épisode en entier, donc c'est un peu moins visible comme ça. Mais Diane a appliqué des codes de BD où en fait, il faut quand même faire gaffe à qu'une case en amène une autre en termes de composition, en termes de direction du regard. C'est toujours présent, même dans le webtoon. Et il y a des gens en fait qui pourraient avoir la tentation en faisant du webtoon à cause du scroll. Le scroll, c'est très pratique, c'est un chouette outil, mais il faut vraiment faire gaffe parce que automatiquement une case en succède à une autre. Oui. Donc on peut vraiment tomber dans la prise d'otage de l'auteur, du lecteur, où en fait, soit vous cumulez 12 milliards de cases, il y a 12 cases où un gars se noie et sans que ça apporte grand chose, ou justement juste pas. Prêter vraiment attention à comment est-ce qu'une case amène une nouvelle information par rapport à celle qui la précède et comment le lien s'établit entre elles. Juste, vous faites une case, vous en faites une autre, un peu en robinet. Et ça, par contre, faut vraiment, vraiment y faire gaffe. Très bien. Donc, je rappelle, Colossal est édité chez Jungle. Les deux premiers tomes sont accessibles. Le troisième arrivera au mois de juin, si je ne m'abuse. Natacha Ratto, le prochain projet, on peut en avoir la primeur ? Pour l'instant, je veux juste dormir. Je viens juste de finir mon webtoon. Voilà, je suis ravi de dire aux éditeurs et auditrices de Blockbuster que le projet de Natacha voilà. C'est dormir. On verra plus tard. Et c'est pas mal. C'est la fin de cette émission. Natacha Ratto, Diane Rutil, merci beaucoup. Je remercie également Marion Lelay qui réalise cette émission. Elle a été préparée par le sémillant Benjamin Ducy. Et à la technique aujourd'hui, le grand, le merveilleux Rémi Sistiaga. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et on se retrouve dans 15 jours, donc n'hésitez pas à laisser des messages si ça vous intéresse pour parler du grand compositeur de musique de film, Danny Elfman. Blockbuster est un podcast original de France Inter.